Le lendemain, le docteur Bianchon permit à la baronne de descendre au jardin, après avoir examiné Lisbeth qui, depuis un mois, était obligée par une légère maladie des bronches de garder la chambre. Le savant docteur, qui n'osa dire toute sa pensée sur Lisbeth avant d'avoir observé des symptômes décisifs, accompagna la baronne au jardin pour étudier, après 2 mois de réclusion, l'effet du plein air sur le tressaillement nerveux dont il s'occupait. La guérison de cette névrose affriolait le génie de Bianchon. En voyant ce grand et célèbre médecin assis et leur accordant quelques instants, la baronne et ses enfants eurent une conversation de politesse avec lui. « Vous avez une vie bien occupée, et bien tristement, » dit la baronne. « Je sais ce que c'est que d'employer ses journées à voir des misères ou des douleurs physiques. » « Madame, » répondit le médecin, « je n'ignore pas les spectacles que la charité vous oblige à contempler, mais vous vous y ferez à la longue, comme nous nous y faisons tous, c'est la loi sociale. Le confesseur, le magistrat, l'avoué, serait impossible si l'esprit de l'État ne domptait pas le cœur de l'homme. Vivrait-on sans l'accomplissement de ce phénomène? Le militaire, en temps de guerre, n'est-il pas également réservé à des spectacles encore plus cruels que ne le sont les nôtres? Et tous les militaires qui ont vu le feu sont bons. Nous, nous avons le plaisir d'une cure qui réussit, comme vous avez, vous, la jouissance de sauver une famille des horreurs de la faim, de la dépravation, de la misère, en la rendant au travail, à la vie sociale. Mais comment se console le magistrat, le commissaire de police et l'avoué qui passent leur vie à fouiller les plus scélérates combinaisons de l'intérêt, ce monstre social qui connaît le regret de ne pas avoir réussi, mais que le repentir ne visitera jamais. La moitié de la société passe sa vie à observer l'autre. J'ai pour ami depuis bien longtemps un avoué, maintenant retiré, qui me disait que depuis 15 ans, les notaires, les avoués, se défient autant de leurs clients que des adversaires de leurs clients. « Monsieur, votre fils est avocat. N'a-t-il jamais été compromis par celui dont il entreprenait la défense ?»« Oh, souvent !» dit en souriant Victorin.